vous créez des chocs parce que vous avez la naïveté d'être en puissance. OK. Vous pensez être en puissance, vous ne l'êtes pas. Si vous étiez réellement en puissance, vous chercheriez à créer le moins de chocs possible. Un homme qui est en puissance va créer un choc parce que c'est nécessaire, mais il va le rebalancer de la même manière. Fait qu'il va faire avancer l'aide, mais il va s'assurer de le rebalancer pour que l'autre grandisse, mais qu'il ne soit pas détruit. Okay. Tandis que quand on crée des chocs à travers la naïveté de puissance, à ce moment-là, on détruit. Mm. Ça, ça fait partie de notre naïveté. Détruire un être, c'est être naïf. Détruire un être, conséquemment à un choc qu'on donne parce que on est naïf, c'est de l'inconscient. Vous donnez un choc à un être, ça, si l'homme est en puissance, ou quand l'homme sera en puissance, qui donnera un choc à un être, ils seront capables de mesurer à la lettre, à la vibration près, où est-ce que ça mène ça. Moi, j'ai donné des chocs à ma fille quand elle est venue au monde, depuis qu'elle est venue au monde. Jusqu'à, j'ai donné des chocs, mais choc pour qu'elle arrive là, pour qu'elle rendue à 20 ans ou 21 ans, soit totalement dans son identité. Mm. Fait que tu sais quoi faire. Donc, quand tu es en puissance, tu crées un choc, mais tu sais quoi faire. Tu as réellement la science de ton énergie. Parce que les gens n'ont pas la science de leur énergie. Ils ont simplement la une sorte de sentiment, de cauchemar. Ils ont une sorte de vanité, d'orgueil. Une sorte d'orgueil de conscience. Une sorte d'orgueil d'intérieur. Ils en savent plus que les autres. Ils ont raison, whatever, je ne sais pas plus. Que chose de même. Un langage qui donne ascendant. Ouais. Pour compenser un autre, l'autre de l'ignorance, ou compenser, manque d'éducation, je ne sais pas plus. Mm. Tu sais, il y a bien des gens qui sont dans l'ésotérisme parce qu'ils n'ont pas l'université. Il y a bien des gens à l'université qui ont vécu des frustrations et qui peuvent être dans l'ésotérisme pour aller. Ouais. Fait que c'est fatiguant, ça, parce que dans un sens, ça va encore partie de la programmation de la vie. Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas des gars qui sont à l'université, qui ont des doctorats en mathématiques, des doctorats en ingénierie, qui soient capables d'aller plus loin? Mais ça, c'est parce qu'il y a trop de pollution dans le mental. Fait qu'à ce moment-là, les gens qui viennent vers les sciences comme ça, en général, c'est des fallouts. Des drop-out, ils ont droppé quelque part. Puis un jour, il va falloir que ça arrête, ça, puis avec le temps, mais il va y avoir moins de drop-out, il va y avoir plus de gens normaux là, qui sont passés par le système, qui vont avoir assez de lumière pour rentrer. Mais ça va venir quand du monde comme nous autres, des occultistes ou whatever, appelez ça comme vous voulez, là, ces gens-là, là, seront suffisamment conscients pour ne pas être naïfs, pour ne pas créer.